France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Vous n'allez pas le croire, nous allons partir ce week-end près d'un village qui s'appelle Sainte-Christine. Si, si, je me demande quel y est le prix de l'immobilier. Mais bon, ce n'est pas le sujet, car nous continuons sur la D762 vers une autre petite bourgade. Nous sommes dans le Maine-et-Loire, en Anjou. La rivière Le Juré traverse le village. Un village où il n'y a pas de crime, pas de sang, pas de victimes et pas d'assassins. Une histoire qui nous emmène dans la campagne française pour voir comment nos villages changent, comment les habitants et les habitations s'adaptent. Nous partons, comme une promenade, nous rendre compte du nouveau paysage de Bourgneuf-en-Mauges avec Boris Pinault et Delphine Lemaire. Ziconovéa. Il n'y a pas longtemps qu'on sait qu'on s'appelle comme ça, parce qu'il y a un oui. Ours. Il n'y a pas tellement longtemps qu'on s'est connu ça. C'est beau, Vicone. Et les Viconovéens, les habitants de Bourgneuf, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Attends, je vais te lire ça, tu vas voir. Il y avait deux forgerons, un menuisier, il y avait de tout, un charpentier, un tailleur, un cordonnier, un sabotier, un coiffeur, un boulanger, des lavandières, des couturières, une tricoteuse, c'était la grand-mère avant de galère, trois maçons, un grenetier. Alors, tu vois, il y avait de tout. Puis, c'est pour finir, l'instituteur, l'institutrice, un curé, des bonnes sœurs. On se garnit. Deux mercières, des merceries. Des pisseaux. Il vendait du tissu. Et puis, il y avait des cantonniers. Alors, je pense que j'ai tout marqué. À Bourgneuf-en-Mauges. Épisode 1 de la ferme au pavillon. Il y avait beaucoup d'agriculteurs? Tu vois bien, puisque il n'y avait que ça à peu près. Dans le centre de Bourgneuf-en-Mauges, l'église aux deux clochers surplombe le rond-point et domine les vieux immeubles du bourg. Le relais de la Boule d'Or accueille les chauffeurs routiers pour une nuit ou un demi. Et le dépôt de pain dépanne aussi en pâte ou en conserve. C'est ici que j'ai grandi. Le village de Bourgneuf-en-Mauges compte 700 habitants et se situe en zone rurale, entre Angers et Cholet, dans le Maine-et-Loire. Il s'étend sur 1000 hectares environ, relié aux communes voisines par trois départementales. Ces dernières années, j'ai vu des maisons pousser dans les champs. Bourgneuf n'en était pas à son premier lotissement. L'aventure a commencé dans la deuxième moitié du XXe siècle, quand sonnaient les dernières heures de l'agriculture traditionnelle. Mais ma mémoire trouve vite ses limites. On a eu trois centenaires dans notre commune. Il y en a deux qui sont morts l'année dernière. Il y en a deux qui sont morts l'année dernière. Et la troisième qui est encore vivante. Pour remonter l'histoire, je décide de partir à la rencontre des anciens du village. J'ai rendez-vous dans le bourg, rue de Vendée, avec la doyenne du village et sa voisine. C'est l'heure des présentations. Mon prénom, c'est Joséphine. Joséphine Gollard. Et vous avez quel âge? 104 ans. Et 104 ans. Moi, 95. Et vous, vous appelez comment? Je m'appelle Marie-Joseph Chauvin. Et alors, vous avez grandi à Bourgneuf? Oui. Et elle a toujours travaillé là, chez le tailleur. Vous travailliez pour un tailleur? Oui. Je travaillais avec elle. Vous étiez collègue. Des estampes, des pantalons, tout. Des gilets, des pardessus. Puis il n'y avait pas l'électricité, on travaillait avec ça, cette lampe-là, des fois jusqu'à minuit, l'hiver. Puis il n'y avait pas de lumière pour t'en aller le soir. Madame Grandin. Oui. Elle disait qu'il fallait pas le soir, fallait pas s'aventurer plus loin que la boulangerie. Parce que c'était comme à Paris, c'était un recasse-pipe. Il y avait toutes espèces d'affaires, il y avait des couloirs, il y avait tout ça. Dans les vieilles maisons qui l'ont abattu, qui étaient en terre. Ils devaient se poser, je ne sais pas pourquoi, puis à ce point-là, il n'y avait pas d'éclairage. Elle disait toujours ça, Madame Grandin, je ne sais pas si tu te rappelles. Il n'y avait pas l'électricité dans les rues. Ben oui, jusqu'à 29-30. Oui. Ils ont fait des... des tranchées là pour modeler. Puis moi j'avais fait une bêtise, mon père il m'a mis dans le trou. Puis j'avais peur, parce que j'avais peur qu'il mette de la terre par-dessus. Quand l'électricité est venue, tout le monde l'ont pris à peu près. Enfin, ah, y en a qui en voulaient point. Eh ben, j'ai 95 ans. Alors, je me rappelle depuis mes 7 ans. Il y avait 5 épiceries. Tu sais ce que c'est que des épiceries, non? Ils vendaient de tout. Ils vendaient de l'huile, du vinaigre, du sucre, du sel. Puis ils vendaient de tout ce qu'on avait besoin. On est obligé d'aller à la Pommeraye ou à Chalonne chercher des... C'est Marie-Christine, tu es obligée de faire mes commissions. Et puis autour du bourg, René, il m'a demandé ce que c'était que ça. On appelait ça des borderies. Alors c'était des petites fermes, des petits... Il avait 3, 4, 5, 6 vaches, quoi, je sais pas, moi. Ben, dans toute ma jeunesse, j'ai vu ça. Jusqu'à l'âge de, moi, je ne sais pas, moi, de 50 ans, au moins. Hein, Joséphine? À l'église, avec une cloche. Puis après, ils en ont fait une autre pour que ça fasse plus beau. Les clochers? Les clochers, oui. Oh là là! Ça ne nous rajeunit pas. Je rejoins à présent Joseph chez sa fille Marthe, rue Notre-Dame. Je suis Boris Pinault, je suis un enfant du village. Oui. Je l'ai vu d'autres fois avec ici, ce jeune homme. Alors, Marchand-Joseph, je suis né le 1er mai 1921 à Trebois-Cher de Bourgneuf. Voilà. Et j'ai passé toute ma vie à la ferme, puisque j'y suis encore. Le bourg, il ressemble toujours à ce qui ressemble aujourd'hui, si vous voulez, mais ce qu'il y avait et ce qu'il n'y a plus, c'est les petits commerces. Il y avait 3 cafés. Aujourd'hui, il y en a 2 qui vont bien, puisque c'est les restaurants, et puis qu'ils passent plein de voitures, puisque c'est un gros centre routier, c'est une petite commune, mais un gros centre routier. Et il n'y a plus que ça qui reste. Tous les petits commerces, il n'y a plus personne. La place était inerte tout le temps, toute seule. Il y avait juste les gens qui traversaient, qui faisaient leurs courses, qui passaient par là, puis les véhicules, mais alors véhicules hippo à ce moment-là, parce que des voitures, il n'y en avait presque pas avant la guerre. Et une chose qui comptait beaucoup quand même, c'était les routes. Les routes se sont goudronnées et tout. C'était une évolution, parce qu'avant, les routes non goudronnées, il y avait ce qu'on appelait des nids de poules, c'est-à-dire que ça se creusait, et puis quand vous étiez là-dessus, ben, ça sautait de l'un sur l'autre, puisqu'il n'y avait pas, de bitume. Donc les routes étaient, si vous voulez, étaient infectes, quoi. Alors vous avez grandi dans une ferme en périphérie du bourg, dans la ferme de la famille, et votre femme, elle était du centre-bourg? Eh oui, elle était du bourg, oui. Comment ça s'est passé, la rencontre? Ah bon? Femme. Oh, il y a tellement longtemps, je ne pouvais plus m'en rappeler. Vous vous connaissiez bien? Mais oui, parce qu'il y avait une chose qui semble bizarre aujourd'hui. Les jeunes gens et jeunes filles se fréquentaient, mais entre personnes du bourg ou la commune voisine, puisqu'on n'avait rien pour se déplacer. Donc on ne connaissait personne à l'extérieur. Absolument personne. On avait juste un vélo. Donc c'était tout à fait local. C'était pas plus difficile que ça. Les gens de ma génération sont presque tous mariés avec des filles de la commune, quoi. C'était ça, à ce moment-là. Mais on n'avait aucun loisir. Il y avait simplement les petites séances théâtrales qu'on faisait. Puis autrement, des fêtes, il ne pouvait pas y en avoir. C'était pas possible avec les Allemands qui étaient là en permanence. Un fait qui m'est resté à moi beaucoup, c'est que tous les jeunes n'avaient aucun loisir pendant la guerre. Puis un jour, ben, on a décidé d'essayer de monter une équipe de football. Alors ça, tous les jeunes de la commune, tout le monde est venu jouer au ballon. Alors c'était risible parce que les vaches allaient dans la pâture toute la semaine. Alors le dimanche matin, quand le match est à Bourgneuf, on prenait une pelle, puis on allait relever les bouses de vache pour que les gars y jouent tantôt sur l'herbe. Mais les jeunes étaient contents. À ce moment-là, l'été, quand il faisait très chaud, on restait dehors un petit peu, au frais, quand on avait eu grand chaud toute la journée. Et là, c'est agréable, parce qu'il y avait, sur la route de Saint-Quentin, là-bas, la forêt, il y avait un garde-chasse, et le soir, il jouait du corps de chasse. Et à côté de chez nous, une ferme de la Pommeraye, il y en a un qui jouait, lui, de la trompette, puis il jouait bien, et son frère de l'accordéon. Alors on entendait ça le soir. Et puis j'ai entendu des voisins qui m'ont dit parfois aussi, parce que moi aussi je jouais de l'accordéon, qui me disaient « Tiens, tel soir, on t'a écouté, tu jouais telle chanson. » Quand il n'y avait pas de vent l'été, le soir, ça porte bien. On entendait bien. Mon seul loisir à l'extérieur aujourd'hui, c'est le jeudi au club. Le club à Bourgneuf, on joue à la Belote, le club des anciens. Quoi. Depuis la rue Notre-Dame, Joseph me fait traverser le rond-point fréquenté du centre-bourg pour rejoindre le club de Belote. À côté de la bibliothèque et de la mairie, les portes de la salle communale viennent d'ouvrir et devant, ça se presse. Ça, c'est une jeune fille, elle marche comme à 25 ans. Vous êtes venu avec une salade. Avec au club. La salade, la soupe. Allez, rentrez, je relève. Ça, c'est le maire de Bourgneuf. Vous le connaissez pas. Monsieur Lame. Bonjour. C'est mon neveu. Le maire de Bourgneuf, je le connais bien. J'en profite pour lui poser quelques questions. Toi, en tant que maire, mais surtout en tant que Viconovéen, t'as passé toute ta vie ici, tes parents avant toi. Est-ce que tu as en tête des histoires marquantes de Bourgneuf, justement? Les anciens nous diraient, dans le temps, il y a eu un meurtre sur la queue de Meru, comme on disait, mais rien n'est avéré. On n'a pas d'histoire majeure. Après, on a des petites histoires par rapport à des évolutions. C'est-à-dire que si Bourgneuf, aujourd'hui, on est dans une zone blanche sur la téléphonie ou sur le haut débit, c'est parce qu'à l'époque, le conseil municipal a refusé d'avoir le téléphone à Bourgneuf. Le maire, c'était le châtelain du coin, qui pensait que ça allait amener la zizanie dans ses affaires. Ah, mais on a des histoires comme ça. Mais bon, non, globalement, on n'a pas d'histoire majeure sur Bourgneuf. Celui-là, c'est le dernier cadastre papier qu'on a. Ça date 2000. Maintenant, tout est dématérialisé. Et là, on voit bien l'évolution du bourg. Alors, la création de la commune, il devait y avoir 300 personnes. Dans le recensement de 1866 qu'on a, il y a les 4/5 de la population qui se situe dans les fermes, dans les écarts. Dans le bourg, on a un petit tiers d'habitants. Pourquoi ? Parce que on est spécifiquement agricole. Et puis les choses vont bouger un petit peu avec les petites industries qui s'installent un petit peu partout. Donc le bourg se construit un petit peu plus. Et ça se construit autour des départementales, donc après 1830, puis guère plus loin. En 1914, un petit peu avant, 1900, il se construit le Petit Anjou, qui a un train, un chemin de fer départemental, qui passe ici. Vous voyez, ça passe ici, le chemin de fer. On le voit encore sur le cadastre par rapport au parcellaire. Donc c'est une limite naturelle. Tout ça, c'est des champs. Le train. Oh, que je te raconte le train. Le Petit Anjou. Tu sais où qu'est la gare, quand même. Elle est où? Ça s'appelle la gare, quand même. Sur la route de la Pommeraye. On avait des trains, je pensais. Angers, Beaupreau, Choleux, ça s'en a eu. En face. La ligne traverse la route de la Pommeraye. Puis quand le col, elle était juste derrière. Quand on allait à l'école, le petit train. Vous y alliez parfois, vous preniez le train? Quand vous allez à Angers, on prenait le train. Et il a roulé jusqu'à quand, le train? Ils l'ont défait après la guerre. Je portais l'année 47-8, peut-être. À partir de 1950, où le petit Anjou s'arrête, il n'y a plus cette frontière. On commence à avoir quelques constructions de l'autre côté, ici, ici. Et puis après, quand on développe la commune à partir de 1970-1975, ben on voit le système d'enroulement de l'ancien bourg, avec une problématique aujourd'hui qui est très d'actualité, l'emprise sur les zones agricoles. C'est-à-dire que pour pouvoir faire un lotissement, il fallait déjà avoir le terrain. C'était très compliqué d'acheter des terres à un agriculteur. Il fallait attendre que le petit fermier qui était autour du bourg, il fallait attendre qu'il arrive à la retraite pour pouvoir reprendre ses terres. Donc ça s'est fait par petits morceaux. Première évolution ici, ça paraît très loin du bourg, mais c'était la seule parcelle disponible. Puis après, on voit le système d'enroulement. Donc deuxième évolution, elle est ici. La rue du 19 mars, qui est ici. On remonte donc à l'espace du Petit Anjou, qui est le bloc scolaire ici. Et puis après, la troisième, c'est le lotissement des sources. Du coup, on va sur le chemin des Lavandières, et puis ici. Et puis aujourd'hui, on est en train de travailler sur un lotissement ici. Ça, c'est la rue du Châtaignier, c'est le premier lotissement créé à Bourgneuf ? Non, le premier lotissement, c'est les quelques parcelles qui sont dans la rue de la Cité. Le deuxième, c'est effectivement la rue du Châtaignier. Et alors, Bourgneuf, depuis ce temps-là, ça a beaucoup changé ? Parce qu'il s'est fait plein de maisons, mais pas dans le bourg. Le bourg n'a pas changé, le bourg. Je crois que c'est la maison à Bernard Retoreux qui a été faite la première, puis chez Simone, chez Pierre Gollère, hein, c'était les maisons, les premières maisons. La première, il a tombé de nos buts. Ah ben oui, mais là, après la guerre, qui dit. Ben, oh, c'était les premières maisons, ça. Il y a 60 ans, quand on commençait à se faire. Tout le lotissement là au point de la route de la Pommeraye, ben, c'était des prairies. Toute la partie du lavoir là-bas, il y avait quatre maisons sur cette route-là et c'était tout. Autrement, c'était de la prairie. Ici, c'était de la prairie aussi. Il y avait trois vaches qui mangeaient de l'herbe là. Ça, je me souviens très bien. Puis il y avait la Syrie au Père Bourigaud là. Ah ben ça a changé depuis, hein. Et à Bourgneuf, il y avait, y compris les petits fermiers, les gens qui avaient trois ou quatre vaches autour du bourg. Je compte bien des fois, il y en avait, des fermiers, il y en avait 64. Et aujourd'hui, il y en a 14. Pratiquement tout le monde travaillait dans les fermes. Aujourd'hui, ce sont des grandes fermes. Puis dans le temps, c'était des petites. Ça fait combien de temps que t'es pas allé voir comment était le taille ? Oh, il y a des années d'années. Louis Courant est un ancien agriculteur. Il y a 4-5. Avec sa femme Paulette, ils ont mené leur activité entourée de leurs enfants dans la ferme du taille, à un petit kilomètre du bourg. J'ai la ceinture que je peux attacher au moins. Ah oui, il va falloir attacher ta ceinture, Louis, sinon ça va mal aller. À l'approche de leur retraite, en 1993, ils ont fait construire une maison dans un des lotissements de Bourgneuf, la rue du 19 mars. À l'image de Bourgneuf, ils sont passés des champs au lotissement. Alors là, on est à la sortie de la rue du 19 mars. Tu prends par où ? Ah bah tu prends Saint-Quentin, à droite. Là, vous voyez la ferme, là ? Elle voit. Ça, c'est mes champs, gars. Ça, c'est des champs, moi. Le hameau du Teille comptait trois feux. Trois ménages répartis entre les maisons et les étables, les granges et les stabulations. Vous voyez, c'est le courrier partout. Je peux m'arrêter ici, on n'a qu'à descendre. Ah bah oui, t'as raison. L'allée de terre se prolonge en une prairie qui invite à couper à travers champs. Au loin, derrière de frais pâturages, on aperçoit les deux clochers fièrement dressés de l'église de Bourgneuf. Quand j'ai commencé l'agriculture, eh bien, c'était les vaches, on les traillait à la main. Et c'était du bidon. Après, on faisait du beurre au départ. Et après, c'était le lait. Ils venaient chercher le lait en bidon. Puis après, on a monté une machine à traire les bêtes. L'ancienne salle de trait et la maison de Louis encadrent la gadoue généreuse de l'allée dans laquelle nous avons planté nos bottes. L'ensemble est laissé à l'abandon par un riche propriétaire qui vit à des kilomètres de là. D'un côté de l'allée comme de l'autre, le temps a passé et la végétation s'est donné le champ libre pour tenter de sceller les ouvertures. Tu veux que j'essaye ? Ah non. Ah, ça résiste. Ça va. Tiens, la machine à faire, elle était là. Et les bêtes, elles venaient là. Et elles repartaient de l'autre côté. Ça, c'était ta maison ? Oui, c'était la maison. Et la fenêtre, là, c'était une petite chambre. Et tout ça, c'était moi qui ai reconstruit tout ça. Alors, si on fait le tour de ta maison... On sortait par là. C'était notre chambre, là. Regarde, là. On va tenter de regarder par la fenêtre. Non, on va peut-être que c'est pas grave. On marche dans les ronces et j'ouvre le volet. Regardez une plateforme. Par la fenêtre, on aperçoit quelques murs désolés, infiltrés par l'eau, et des morceaux de plafond à terre. Les rats et les mulots, les lambeaux de tapisserie percés par les courants d'air, font les seuls mouvements que connaît désormais la maison. Il y a des ronces. Ah, il y avait longtemps, j'avais pas vu tout ça. Si tu peux monter l'escalier, va me dire comment que c'est, là. Tu veux dans le grenier. Je crois que je vais pouvoir passer. Les murs de la maison se lézardent et se tassent au milieu des champs. Une forteresse de ronces s'est érigée devant toutes les ouvertures. L'accès à la maison a été condamné par le temps. C'est honteux. Honteux de voir. C'est que j'ai vu. Il manque beaucoup d'ardoises, Louis. Ah oui. C'est impensable. Avant, on a rentré à la maison, mais on ne peut plus maintenant. J'avais jamais vu ça. Il faut venir avec une faucille et puis ouvrir. Après tout ce qu'on a vécu ici, de voir ça, ça fait mal au cœur, je peux te le dire. De voir. Et là, la commune de Bourneuf, elle aurait voulu louer cette maison-là. Mais le propriétaire, il n'a jamais voulu. Elle doit avoir un pauvre type, quoi. Et tu vois comment c'est maintenant. Quand tu as vécu dans la jeunesse, c'était bien, on se trouvait bien. Et comme je dis, on était quand même 30 personnes dans le village. Là. Dans le hameau du Taille ? Oui. Et puis maintenant, il n'y a plus que 4. C'est là qu'on se rend compte de la vie, comment ça tourne quand même. Qu'est-ce qui te manque de la vie au Taille, comme ça, au milieu des champs ? Il ne manque rien du tout, parce qu'à vieillir, tu te détaches de ce que tu as vécu. À vieillir, il faut dire que ça change. Tes idées changent. Au loin, on voit encore le bourg. Bah oui. On voit le centre-bourg de Bourneuf avec les deux clochers. Oui, bah oui. Que tu as rejoint. Oui. Ah oui, ça c'est vrai. À pied, on passe toujours par les champs. C'est comme qu'on appelait une allée que, pour aller dans le bourg. On passait tous par là. Aller à l'école, on passait par là. Oui, bah ben, c'est bien. Est-ce que Louis... Je crois que vous avez tout dit. Un peu plus tard, je retrouve Louis chez lui, rue du 19 mars. Il porte une combinaison à double zip et se saisit de son bâton de marche. Là, t'es en tenue de travail ? Ben oui, la tenue du paysan. Qu'est-ce qu'on a à faire ce matin ? Qu'est-ce que tu as dans ton seau ? Là, je vais donner ça à mes poules, puis on récupère les œufs, c'est tout ce que je vais faire. En bas du lotissement dans lequel il réside à présent avec sa femme Paulette, Louis a aménagé une petite réplique de ferme. Tous les matins, il descend la rue pour entretenir son jardin et veiller sur ses poules. Pourquoi est-ce que tu souhaitais avoir ce petit terrain en bas de la rue, près de toi ? Je vais vous dire, quand on arrive à la retraite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans un bourg ? Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais été dans un bourg. Et puis, malgré tout, ça s'est très bien passé. Je me suis occupé avec des animaux, en arrivant ici. C'est pour ça que j'avais des petits terrains. Je m'étais occupé d'avoir des petits terrains. Quoi. Quand on arrive à la retraite, on a toujours quand même. On se pose des questions quand même. Lesquelles ? Bah, de pouvoir s'occuper. C'est la seule question qu'on se pose. C'est si j'avais pas eu l'activité du mouton, tout ça. J'aurais peut-être embêté des gens, tout ça. Fallait toujours chez les gens. C'est peut-être embêtant. Et moi, je faisais mon petit trou. Je travaille comme ça tranquillement. Je passe mon temps à bricoler, quoi. Bêcher ou. Le petit terrain de Louis est situé à la croisée de trois lotissements, près du rond-point qui marque l'entrée au village depuis la route de la Pommeraye. Là, je peux vous dire, là, moi je vois souvent, eh ben, les gendarmes, ils mettent sur le rond-point, là. Ils sont souvent là. Je vais même monter un bout de cabane. Là, ben, c'est ça, le... oui, ben, tout ce qu'on a là, c'est... Pas jusque là-bas, jusqu'au poteau là-bas. C'est la partie potager ? C'est la partie potager. C'est au printemps pour venir. C'est pas l'époque du jardin, là. Là, j'ai souvent des copains qui viennent avec le charrue, qui labourent. Jusqu'à présent, j'avais toujours fait tout seul, mais plus que je vieillis, moins que ça va vite. Puis l'autre côté, c'est les animaux qui vont jusqu'à la tôle, là, qui font le tour. Oui. À un moment donné, j'avais les moutons. Tu me dis quoi faire avec le seau de salade. J'attends tes ordres. Ah bah oui. Vise-donc là au poule. Oui, oui. Donc, on n'ouvre pas la ferme ici. Donc on avancera un peu. La ferme Dutheil ? Dutheil, oui. On va avancer par là pour voir. Je crois qu'on voit les maisons. Pas une hangar qu'on voit au fond. Ah si, on aperçoit peut-être oui, une partie. Oui, c'est là-bas, la ferme. Chut ! Allez ! On a une poule qui a pondu. Ouais. Une boîte à pondu, vous voulez. C'est ça. C'est comme ça que je m'occupe. Je laisse Louis à ses poules et rejoins Joseph. Au bourg, la partie de belote commence. C'est un tout petit. Oh, putain, regarde. Ah bon. Avec qui vous commencez la partie de belote ? Moi ? Ah bah toujours avec c'est Etienne. Les jeunes qui sont à cette place. Avec Etienne. Moi je suis le plus jeune, alors à peine. Le doyen, la doyenne, puis moi qui suis. Moi j'avais une série à Coiron. J'ai le 34. On se dit, j'en ai 4, moi. Oh, bah oui, mais ça, c'est pas du jeu, ça. Non, non. Mais on va leur faire des faveurs, après, on va. Ils sont galants, ça fait peur, hein. Faut pas qu'on en fasse, parce que Marie, elle nous en fait pas, là. T'en veux pas. Ah, c'est pour me contrarier, quand même, ceci. Tu vas pas te plaindre, Marie-Rive. Tu vas pas te plaindre. Bon, la situation est tendue. À Bourgneuf-en-Mauges, un documentaire de Boris Pinault et Delphine Lemaire. Merci à Joséphine, Marie-Joseph, Joseph, Étienne, Jacques, Louis, Henri et tous les habitants de Bourgneuf-en-Mauges. Prise de son Jean-André Gianecchini, mixage Claude Nior, coordination Christine Bernard. Oui, à suivre demain dimanche, le second épisode. Ce sera à 13h30, mais pour l'instant, c'est l'heure de retrouver Plan Large avec Antoine Guillot en direct du studio 158 de la Maison de la Radio.